بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله مترى شيخ فرير سير. Aujourd'hui, le lundi 25 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 18 mai 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de la vie du prophète alayhi salatu wa salam à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kathir al-Dimashqi rahimahullah, qui est décédé en l'an 774, et son livre s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. Donc, comme son nom l'indique, le livre est un livre concis dans lequel l'imam Ibn Kathir a tracé d'une manière excellente et parfaite les grandes lignes de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et a détaillé quand il s'agissait d'événements très très importants et majeurs dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le cours précédent, nous avons parlé de ces deux événements tragiques et catastrophiques qui sont arrivés, que ce soit le premier, l'expédition de Rajir, et le deuxième, l'expédition de Bi'r Ma'ouna. L'expédition de Rajir et l'expédition de Bi'r Ma'ouna. Les deux ont eu lieu dans l'année 4 de l'Hégire, dans le mois de Safar. Et on a vu que dans ces deux expéditions qui ont été envoyées pour propager la science et enseigner l'islam à des tribus suite à leur demande ou la demande de leur maître, ou les deux dans le cas de Bi'r Ma'ouna. Et nous avons vu que ces tribus ont trahi les croyants et n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient vis-à-vis d'eux, et ils n'ont pas tenu leur parole, et ils ont tué ses compagnons radiyallahu anhum. Dans le premier Ba'th al-Rajir, ils ont tué 10 compagnons radiyallahu anhum, et nous avons vu les détails. Ils ont tué 8, et 2, ils les ont pris prisonniers, ils les ont revendus aux koufars de Mecca qui les ont tués. Et dans la deuxième, Bi'r Ma'ouna, ils ont tué 70 compagnons. Yani, leur nombre était 70, mais on a vu qu'un seul compagnon a pu échapper car il a été gravement blessé et ils ont cru qu'il était mort. Mais Allah Azza wa Jalla lui a permis de vivre et il est tombé martyr dans la bataille de l'Khandaq. Et ces deux événements ont beaucoup attristé le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Ces deux événements ont attristé énormément le prophète alayhi salatu wa salam. Et il est resté pendant tout un mois complet, il a invoqué Allah azza wa jalla contre ses tribus qui ont trahi et qui n'ont pas respecté l'engagement, qui sont les tribus de Adal et Al-Qara pour le premier, et les tribus de Ri'l et Dhakwan et les Hiyan et Usayya dans le deuxième. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé « Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum » فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Dans le sens approximatif, au bout de un mois dans lequel Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, il faisait du'a contre eux, après le lever du rukou' de la dernière raka'a de salat subh, dans une version uniquement salat subh, et dans une autre version, il le faisait dans les cinq prières obligatoires. Dans la dernière raka'a, quand il lève sa tête, alayhi salatu wassalam, de rukou', il lève ses mains et ses compagnons levaient leurs mains et il invoquait Allah contre ses tribus. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a révélé, laysa laka min al-amri shay'un, dans le sens approximatif, tu n'as pas à te prononcer encore que ce soit dans l'ordre d'Allah. Ou il accepte le repentir, ou il les soumet au supplice, car ils sont injustes. Et effectivement, toutes ces tribus vont entrer dans l'islam par la suite. Toutes ces tribus vont entrer dans l'islam. Ici, c'était les tribus de Hudayl, dans le premier. Hudayl, qui sont dans une région qui s'appelle Usfan. Et les deuxièmes, ils sont dans la tribu de Banu Sulaym, qui se trouve dans la région de Najd, la région de Najd. Et Najd, bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui dans l'Arabie Saoudite, c'est des tribus très très importantes. C'est là où il y a Al-Qasim, il y a Buraïda, il y a les Banu Tamim, il y a toutes ces grandes tribus arabes, et d'ailleurs c'est de là que vient Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, Cheikh Abdurrahman Sa'di et Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab, tous ils viennent de ces régions-là. Donc c'est des tribus très très fortes. Et ensuite nous avons vu que après que ce compagnon qui s'appelle Amr Ibn Umayyad Damri radiyallahu anhu, après qu'il a tué deux hommes de ces tribus de Banu Kilab, yani dont fait partie ceux qui ont tué les 70 compagnons, il a pensé venger ses compagnons, radiallahu anhum, quand il est tombé sur deux hommes et il les a tués. De ces tribus-là, en pensant venger les compagnons. Mais Nabi alayhi salam n'a pas accepté ça de lui, parce que ce compagnon radiallahu anhu ne savait pas qu'il y avait un pacte avec ces tribus à respecter. Et c'est pour ça que c'était considéré comme une erreur et que le Nabi alayhi salam a décidé de donner le prix du sang de ces deux hommes à leur tribu, les Banu Kilab. Et il a demandé à tous les musulmans de Médina de participer dans le paiement de ce prix. Et bien évidemment, il a demandé également aux juifs qui sont, comme on a vu, ils avaient des accords avec les musulmans dans le Médina comme des accords de citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils doivent participer dans le paiement de ce prix de sang. Et ça, c'était parmi les clauses qu'il y avait entre eux et les musulmans. Et Nabi alayhi salam est parti les voir la matinée pour leur demander d'aider. Comme cela était un accord entre eux et les musulmans. Et ces grands ennemis d'Allah ont trouvé cette occasion, une bonne occasion pour assassiner le prophète alayhi salam et pour le tuer et se débarrasser de lui. Et Banu Nadir, ainsi que d'autres tribus juives, on a vu qu'ils avaient pensé à un certain moment de combattre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, suite à la pression qui leur a été faite par les mécréants de Quraysh. Et ils l'ont pas fait finalement, et là, pour eux, c'était une occasion pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a averti son messager, et il a su leur complot, et ils n'ont rien pu faire, et Nabi alayhi salam a décidé, après qu'ils aient trahi encore une fois, a décidé Tout d'abord, il est parti les voir, les Banu Nadir, il est parti les voir pour renouveler le pacte d'allégeance. Mais ils ont refusé de le faire. Ensuite, il leur a dit, vous sortez de l'Madina. Si vous voulez pas qu'on soit dans une forme d'alliance que vous devez respecter, malgré que vous l'avez trahi, vous allez la respecter à l'avenir, vous engagez sur cela, sinon vous serez banni de l'Madina, expulsé de l'Madina, et sortez de vous-même. Et ils ont refusé également cette deuxième solution. Au début, ils étaient d'accord. Mais l'ennemi d'Allah, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie de Medina, il est parti les voir et il les a encouragés à ne pas se soumettre aux musulmans et à résister. Et que lui, ainsi que tous les munafiqins de Medina, ils vont se joindre à eux si jamais il y a combat. Qu'ils allaient se joindre à eux si jamais il y a combat. Et ils étaient leurrés par ces fausses promesses de ces hypocrites et ils ont refusé les deux propositions que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a proposées. Et par rapport à ça, Allah azza wa jalla a révélé des versets au sujet de le munafiqin. Il a dit: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Donc, dans le sens approximatif, n'as-tu donc pas vu les hypocrites disant à leurs frères mécréants parmi les gens du livre, les hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et ceux qui l'ont suivi, ils disent à leurs frères mécréants parmi les gens du livre, Banu Nadir, si vous êtes expulsés, nous sortirons avec vous. Nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes combattus, nous vous soutiendrons. Allah est témoin qu'ils ne font que mentir. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, wa la in qutilu la yansurunahum, wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. S'ils sont expulsés, ils ne sortiront pas avec eux. Et s'ils sont combattus, ils ne les soutiendront pas. Et s'ils les soutiennent, ils tourneront vite le dos et ne seront point secourus. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Vous jetez dans leur cœur plus d'épouvante qu'Allah, plus de peur et de crainte qu'Allah ne leur en inspire, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. Allah Azza wa Jalla, il parle des juifs. Il dit, ils ne vous combattent réunis que de l'intérieur des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leur animosité est entre eux féroce, c'est-à-dire les juifs entre eux. Et ceux qui connaissent les juifs, ils connaissent toutes ces choses-là. Ils ne combattent que derrière des cités fortifiées ou des murailles de protection. Et la haine qu'ils ont les uns pour les autres, les juifs déjà, entre eux, est féroce. Tu les tiens pour unis, tu penses qu'ils sont unis, mais leurs cœurs sont divisés, car ce sont des gens qui ne savent raisonner. Subhanallah. Ça, tout ça, c'est dans Sourate Al-Hashr. Sourate Al-Hashr, c'est Sourate Bani Nadir. Lisez cette Sourate. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, le déroulement. Le Coran, comme on a vu dans le premier cours, c'est une des sources, même c'est la source la plus importante de Sira, de la vie du prophète alayhi salatu wasalam. Parce que le Coran, il va décrire des détails que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Il décrit les cœurs et l'intérieur des gens. Leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont comploté, tout ça tu le trouves dans le Coran et tu ne peux le trouver ailleurs, sauf tiré de le Coran. Car le Nabi Aïssa Salam n'informe que des choses dans desquelles Allah l'informe. Et le Nabi Aïssa Salam, il ne juge les gens que selon leur apparence. Que selon leur apparence. Et nous aussi, on est tenus d'être ainsi. T'as pas le droit de dire il a dit ça parce qu'il pense ça. Il a dit ça parce que son intention c'est ça. Tu ne juges les gens que selon ce qu'ils ont montré. Celui qui montre le bien, tu dis que c'est quelqu'un de bien. Celui qui montre le mal, tu dis que c'est quelqu'un de mal. Comme bien même il prétend qu'il est quelqu'un de bien. Comme il a dit Omar, rapporté par l'imam al-Barbahari dans Sharh Sunnah. On juge les gens selon leur apparence. Et pas comme disent l'Ikhwan, al-Muflisin, et ceux qui sont touchés malheureusement par leurs pensées et leurs idées. Ils disent, on juge pas. C'est Allah qui juge. Naam, c'est Allah qui juge. Mais toi, tu juges avec le jugement d'Allah. Il est où le mal? Il est où l'interdit? Le mal, si jamais je t'ai jugé, avec autre que le jugement d'Allah. Allah a jugé qu'il mange riba comme ça. Moi, je peux avoir le même jugement vis-à-vis de celui qui mange riba. Et je dois avoir le même jugement. Et je juge avec quoi Allah a jugé. Mais de dire qu'on juge pas, on juge pas de nous-mêmes. Mais on juge avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait le bid'a, il dit, il faut pas juger. Tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur et ça m'intéresse pas. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est Allah qui le sait et tu vas rendre des comptes quand tu seras devant lui, subhanahu wa ta'ala. Mais moi, j'ai été chargé de te juger selon ce que tu montres. Et ça, c'est un point très très important. C'est comme ça l'islam. On juge, na'am. On dit que le sunnah, c'est une sunnah et le bid'a, c'est une bid'a. Et celui qui fait le bid'a, on lui fait le rappel, on lui fait le nasiha, on lui montre son égarement. Et on lui ramène les paroles des savants. S'il persiste sur cela, en connaissance de cause, une fois que le hujja est fait contre lui, l'argument est fait contre lui, on dit que c'est un mubtadi'. Et il y a besoin de faire le hujja dans les choses minutieuses, comme l'a expliqué Cheikh Rabi' Hafidhahullah. Par contre, dans les égarements évidents et clairs, il n'y a pas besoin de faire le hujja. Quelqu'un, il suit l'aqid al-ash'ariya. On dit, il faut faire le hujja, iqamat al-hujja. Ça, c'est un égarement clair et évident. Quelqu'un qui suit le mu'tazila. Quelqu'un qui suit le sofiya. Tout ça, c'est des égarements très connus et très clairs et très évidents. De manière générale. Après, il peut y avoir des cas. Des cas, na'am, quelqu'un, il a grandi dans ça, il a jamais su, il croit que c'est ça le haq. En tout cas, al-sunnah wal-jama'a, comme les a décrits Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah, hum a'lamun nasi bil-haq, wa arhamun nasi bil-khalq. C'est ceux qui connaissent le mieux la vérité. Et ceux qui ont le plus de rahma vis-à-vis des créatures. Et da'wa, parmi ces piliers extrêmement importants, c'est la sagesse. C'est de savoir, il y a des règles que les savants donnent, mais après il y a des choses, c'est au cas par cas. Et pour savoir ce que Allah veut de toi, dans chaque cas, il faut la science, le premier élément, et il faut également la sagesse, qui est de placer chaque chose à sa place qui lui convient. Quand il faut avoir la dureté, la sagesse, c'est d'avoir la dureté. Quand il faut avoir la douceur, la sagesse, c'est d'avoir la douceur. Et ne pas dire que tout le temps la douceur ou que tout le temps la dureté. Ça, c'est pas vrai. Malgré que la règle de base dans le da'wa, comme je l'ai entendu souvent des savants, et entre autres de Cheikh Ubayd, Hafidhahullah, la règle de base dans la da'wa, c'est la douceur. Surtout avec les awam, avec les ignorants, avec les gens qui savent pas. La règle de base, c'est la douceur. Et de montrer le haq de la meilleure des façons. Car sachez mes frères, comme l'a dit un parmi les salaf, al-haqqu murrun, fala tazidhu mararatan bishiddatik. La vérité est amère. La vérité est amère. ne la rend pas plus amère avec ta dureté. Quand tu arrives à faire parvenir le haqq de la meilleure des façons et avec douceur, fais-le. Et si les gens acceptent, alhamdulillah, ils acceptent, tu continues sur ta route, comme a dit l'imam Malik rahimahullah. T'exposes la sunna, si elle est acceptée de toi, alhamdulillah, elle n'est pas acceptée, tu continues et tu traces sur ta route. Et de savoir que la guider, c'est des causes, et يعني الهداية أسباب وتوفيق الهداية أسباب وتوفيق la guidée c'est un ensemble de causes et de permissions d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas uniquement les causes, c'est les causes, c'est l'ensemble de ça. Donc toi, il t'est demandé de faire les causes, mais après c'est Allah qui guide les cœurs. Et ne désespère pas. Fais les causes, et Allah peut-être qu'il guidera cet homme 10 ans plus tard. Ou 5 ans plus tard. Et ça, c'est des choses qui ont été vues. Donc, ne désespère jamais de la guider de qui que ce soit. Fais da'wah. Et aussi, da'wah n'implique pas que tu te mélanges aux égarés. Tu te mélanges aux soufias sous prétexte que tu leur fais da'wah. Non, yahi. Ça fait pas partie de la méthodologie de salaf. Faire da'wah à un individu ou à un groupe de gens n'implique pas que tu te mélanges avec eux. Tu peux leur donner des audios, tu peux leur donner des livres, et tu peux aller chez quelqu'un comme cela, chez lui, et lui faire da'wah. Mais est-ce que tu te montres avec lui partout, les gens te voient tout le temps avec lui, et à chaque fois on te demande, non, je suis en train de lui faire da'wah, ça c'est faux. Parce que tu vas égarer plus de gens que tu vas guider. Et les gens, quand ils vont voir que quelqu'un parmi Al-Sunnah wal-Jama'a, qui est respecté chez eux et qui est admiré par eux, ils se mélangent tout le temps avec cet égaré, ils vont croire qu'ils sont sur la même voie. Donc, da'wah n'implique pas que tu te mélanges aux égarés. Donc, on a parlé également de Ghazwat Bani Nadir, dans laquelle, yani, ces juifs, et Ghazwat Bani Nadir, comme on a vu également, c'est une des 4 batailles que le Nabi alayhi sallam a menées contre les juifs. La première, elle a eu lieu juste après la bataille de Badr, contre la tribu de Banu Qaynuqa, et le Nabi alayhi sallam les a bannis de l'Madina, alors qu'ils voulaient les tuer au début. Et avec la pression de la tête de l'hypocrisie, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, comme c'était ses alliés, le Nabi alayhi sallam finalement accepté de les bannir et de les expulser de l'Madina après leur trahison contre le prophète et les muslimines, et après qu'ils aient rompu le pacte d'alliance qu'ils avaient avec le prophète et les muslimines. La deuxième, c'est celle qu'on a vue, Banu Nadir, qui a eu lieu juste après la bataille de Uhud. Et là, parmi les causes principales de cette bataille, c'est que les juifs ont voulu tuer le prophète. Mais Allah Azzawajal l'a sauvé d'eux, et ils étaient finalement bannis également de l'Madina. Ils étaient bannis de l'Madina et pas mal de leurs têtes sont partis à Khaybar. La troisième bataille contre la troisième tribu juive de l'Madina, c'est la bataille contre Banu Qurayda, qui a eu lieu après la bataille des tranchées ou des coalisés, deux noms de cette bataille. La bataille des tranchées parce qu'ils ont creusé des tranchées autour de l'Madina pour se protéger, et la bataille des coalisés parce que tous les coalisés parmi les associatres se sont mis ensemble pour mettre fin à l'islam et les muslimines. Et quand les juifs de Banu Qurayda ont vu ce grand nombre et pour eux c'était fini l'islam et les muslimines, ils se sont joints aux mushrikines et ils ont trahi les muslimines. Et après la bataille et la victoire éclatante des muslimines, et ça c'est quasiment la dernière des batailles, après laquelle les muslimines deviendront la force absolue sur terre. La plus grande force et puissance. Et plus rien ne résistera aux muslimines. Tout le monde se soumettra à l'islam et aux muslimines. Que ce soit ceux qui vont accepter l'islam, et ça c'est la majorité des tribus arabes, et des habitants de la péninsule arabique et s'ouvrira la conquête des pays et tous les empereurs seront tombés par la suite. Et l'islam a dominé la terre par la suite. Donc après cette bataille de Khandaq et ce qui a suivi. Et la quatrième bataille, c'est après le pacte d'allégeance de l'Hudaybiya entre les musulmans et Kuffar Quraysh, dans l'année 7 de l'Hégire, Nabi Aïssalam a conquis la ville de Khaybar, dans laquelle il y avait justement les juifs qui sont partis de Banu Nadir et d'autres. Voilà, par rapport à ces deux batailles qu'on a vues, et aujourd'hui, nous allons parler, bi'idnillah, d'une autre bataille très importante parmi les batailles de l'islam, qui est Ghazwatu Dhatur Riqa', Dhatur Riqa', qui s'appelle aussi Ghazwatu Najd. C'est la bataille contre la grande tribu arabe dans la région de Najd, qui s'appelle Ghatafan. Ces tribus-là, qui sont des Banu Ghatafan. Et ça s'est appelé Ghazwat Dhat al-Riqa'. Al-Riqa', yani, ça veut dire ils ont, ils ont mis des tissus, des choses autour et des morceaux de cuir autour de leurs pieds. Car, sur leur route, pour cette bataille, les compagnons radiallahu anhum sont sortis, ils avaient très très peu de montures. Ils avaient à peu près un chameau pour 9 personnes, 8 personnes, 10 personnes. Et en plus sur la route vers la région de Najd, une route très très difficile, très dure, dans laquelle il y a beaucoup de pierres et des pierres très coupantes. Donc ça a déchiré sur la route, comme la plupart d'entre eux marchaient. Ils sont sortis dans cette bataille, ils étaient 400 et ça a été dit 700. Donc pas un très très grand nombre, et ils avaient très très peu de montures. Au point où ils montaient, ils s'alternaient à 9 sur un seul chameau. Ça veut dire il y a 8 qui vont marcher, et un seul qui monte, et après ils s'alternent de cette manière. C'est-à-dire qu'ils ont marché la plupart de la distance. Et c'est la région de Najd, elle est à une grande distance de l'Madina. Elle est à une grande distance de l'Madina. C'est pas les petites distances, ni 80 km ou quelque chose comme ça. C'est des grandes distances. C'est pour ça, sur la route, les chaussons des compagnons radiallahu anhum se sont troués et déchirés. Et même leurs ongles sont tombés. Comme l'a rapporté Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, qui a participé dans cette bataille. Il a dit, nos chaussons, l'khuf, c'est comme des chaussures qui se portent et qui couvrent la totalité du pied. Et en général, c'était fait avec du cuir. Et ça monte, ça dépasse largement les chevilles. Donc ça, c'était comme les chaussures qui étaient portées à l'époque et c'était fait en cuir. Et dans le madhhab al-Maliki, entre parenthèses, c'est uniquement sur des chaussures comme ça qu'on a le droit de faire l'essuyage. Parce que c'est le madhhab al-Maliki, dans le madhhab al-Maliki, c'est ce que portaient Sahaba. Et ils faisaient l'essuyage sur des choses comme ça. Et ils ne considèrent pas authentique ce qui a été rapporté par rapport à l'essuyage sur les chaussettes. Alors qu'il y avait des chaussettes à l'époque de Sahaba radiallahu anhu. Donc, ils s'étaient troués, ils avaient très très mal aux pieds, au point où ils prenaient des bandes, qu'ils mettaient autour de leurs pieds. Et des morceaux de cuir qu'ils mettaient autour de leurs pieds également, pour protéger leurs pieds. Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, quand il a rapporté cette description de ce qu'ils ont subi dans la bataille de Dhat al-Riqa', une fois qu'il a rapporté ça, il a, comme s'il a regretté de l'avoir cité. Il a dit, pourquoi j'ai cité ça? Quel bien à le citer? Comme s'il a parlé d'une de ses bonnes œuvres, radiyallahu anhu. Regardez comment ils sont, sahaba, radiyallahu anhu. Alors qu'il y a énormément de leçons et de profits à tirer pour nous. Et sortir une science comme ça, c'est demander. Mais regardez comment ils sont, les compagnons, radiyallahu anhu. Toujours à accuser leurs intentions. Toujours à accuser leurs intentions et penser du mal d'eux-mêmes. Alors que nous, tu trouves qu'on est yani, presque dans yani, l'état d'esprit inverse. On accuse tout le monde, excepté notre personne. Et on pense toujours qu'on n'a que des bonnes intentions. Et ça, c'est à cause de l'jahl. Et plus tu as de science, plus tu vas t'orienter vers ta personne avec les critiques. Et tu vas juger ta personne sur les plus petits des détails. Et non pas plus que tu as de science, plus tu vas penser du bien de toi. C'est pour ça qu'il rapportait de Omar ibn al-Khattab qu'il disait, si Allah dit qu'il y a un seul homme qui ira en enfer, je dirais que c'est Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, il est rapporté de lui, il a dit, j'aurais espéré être un arbre mangé par des brebis et par des moutons, et ne pas ressusciter devant Allah subhanahu wa ta'ala, et être jugé. Quand on entend des hommes comme ça, dire des choses comme ça, qu'est-ce qu'on doit dire nous, Wallah al-Musta'an? Qu'Allah nous pardonne. Donc, cette parole de Abu Musa al-Ash'ari est rapportée dans les deux authentiques. Dans hadith Jabir radiyallahu anhu, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, Jabir radiyallahu anhu, il a dit, on est sorti avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam pour la bataille de Dhat al-Riqa' jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Nakhl, le nom de l'endroit. Et ils ont rencontré yani, l'armée des Banu Ghatafan, mais il n'y a pas eu de combat entre les deux clans. Et comme si les deux clans, ils se sont fait peur les uns aux autres. Combattre la tribu de Ghatafan, c'est pas une mince affaire. C'est des gens très très connus par leur dureté dans les batailles, dans les combats. Mais malgré ça, les musulmans, avec ce petit nombre, ils sont sortis, et avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils sont sortis jusqu'à leur région, et il a été rapporté que quand ils ont vu les musulmans arriver, la plupart d'entre eux se sont enfuis. Et il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a pas eu de bataille. Et il a été rapporté également que le Nabi Issa al-Salam est sorti pour cette bataille quand il a entendu que les tribus de Banu Ghatafan se préparaient pour attaquer le Médina. Se préparer pour attaquer le Médina. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, il cite, yani avant d'arriver à ce point, donc cette bataille, un peu avant d'arriver à ce point de grande divergence, je préfère le laisser en attendant de prendre l'essentiel sur cette bataille. Donc cette bataille, malgré qu'il n'y a pas eu de combat, a eu un effet important. Et ça a été une cause pour jeter la peur dans les cœurs des Bédouins qui ont osé des choses après ce qui est arrivé, après ce que a subi les musulmans dans la bataille de Uhud, notamment les tribus de Banu Ghatafan. Et depuis cette sortie de musulmans dans cette bataille, aucune de ces tribus de Ghatafan n'a osé attaquer les musulmans jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans l'islam tous et qu'ils ont même participé dans la conquête de Mecca et dans la bataille de Hunayn. Et ensuite, c'était la préparation des conquêtes des pays et la transmission de l'islam dans tous les contrées dans les quatre coins de la planète. Donc, l'Hafid ibn Kathir, rahimahullah, il dit que cette bataille a eu lieu dans le mois Jumad al-Oula, de l'année 4 de l'Hégire. Nabi Isa salam est sorti en voulant les deux tribus, Muharib et Bani Tha'laba, qui sont toutes les deux des tribus de Banu Ghatafan. Et il a laissé comme successeur sur le Madina, responsable sur le Madina, Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu. Donc par rapport à ce point, que celui qui a été désigné comme responsable après la sortie du prophète alayhi salam dans cette bataille, c'est Abu Dharr al-Ghifari, ça a été rapporté, mais al-Hafid ibn Abd al-Barr, l'imam du Maghreb, le grand savant salafi, qui a les deux explications de l'Muwatta, al-Tamhid ou l'Istidkar, deux parmi les meilleurs livres qui ont été écrits dans l'islam, comme le précisent les savants. Un très grand savant salafi, dans sa aqida, malgré qu'il était dans l'Andalus, dans laquelle Madhab al-Ash'ari était très propagé et très répandu, lui, il était sur aqidat salaf, dans les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Et c'était un savant maliki, mais des fois il avait des avis contraires aux avis de l'imam Malik, quand Dalil n'était pas avec l'avis de l'imam Malik, rahimahumullah. Donc c'est vraiment un savant salafi avec tous les sens de ce mot, de ce terme. Salafi dans l'aqida, salafi dans les adorations et même dans le fiqh. Yani suit Dalil et dans les autres domaines de la religion également. Donc lui, l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit que ça c'est pas juste, que c'est Abu Dharr al-Ghifari qui a été désigné. Car Abu Dharr, radiyallahu anhu, depuis son entrée dans l'islam à Mecca, dans le début de l'islam, quand il est entré à Mecca dans l'islam, il est reparti dans son pays. Il n'est pas revenu jusqu'à après la bataille de l'Khandaq, des tranchées. Il est resté là-bas à faire da'wah. Et celui qui a été désigné par le prophète alayhi salam, c'est Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. C'est ça qui est authentique et juste. Et il a été rapporté que c'est dans cette bataille que la prière de la peur a été légiférée pour la première fois. Et on va voir que ce qui est juste, c'est que la prière de l'Khawf n'a pas été légiférée dans cette bataille, mais dans une autre bataille qui l'a précédée peu de temps, qui était la bataille de Usfan. Et il y a des hadiths authentiques rapportés par un sahabi qui a assisté à ces événements, et lui il dit, et plusieurs d'autres, que ça a été légiféré, la prière de la peur, Salat al-Khawf, ça a été légiféré dans la bataille de Usfan, dans laquelle le prophète alayhi sallam a prié Dhuhr, et à la tête des mécréants ce jour-là, Usfan c'est à peu près à 90 kilomètres Usfan c'est à peu près à 80 kilomètres de Mecca, en direction de Medina. Donc c'est pas très loin de Mecca, en direction de Medina. Donc ce compagnon qui s'appelle Abu Ayyash Az-Zurqi, radiyallahu anhu, il a dit, nous avons prié avec le messager d'Allah, Az-Zuhr, à Usfan, et à la tête des mécréants ce jour-là, il y avait Khalid ibn al-Walid. Et qu'est-ce que le kuffar ont dit ce jour-là? Écoutez bien ce qu'il va dire, radiyallahu anhu. Ce jour-là, le kuffar ont dit, si seulement les muslimines ont un petit moment d'insouciance, on les aurait attaqués beaucoup plus facilement. On les aurait attaqués beaucoup plus facilement. Après, écoutez ce que le kuffar ils disent. Ça, c'est les mushrikines de Quraysh. Ils disent, ils prient, ils décrivent les muslimines. Ils prient une salat qui est plus aimé pour eux que leurs biens et que leurs enfants. Si seulement on les attend quand ils rentrent dans cette salat, et regardez comment les mécréants ont décrit le statut de la salat chez les musulmans. Ce statut de la salat chez les musulmans était connu également par leurs ennemis, parmi les mécréants de Quraysh. Ils savaient le statut de la salat chez les musulmans. Elle est plus aimée pour les croyants que leurs biens et même que leur descendance. Et c'est à cette occasion qu'Allah Azzawajal a révélé et a légiféré la prière de la peur, dans laquelle il est légiféré de regrouper al-dhuhr et al-asr la prière de la peur, elle a été révélée après que le Nabi Al-Sallam a prié al-dhuhr. Normalement, elle a été révélée après et avant la prière de l'Asr. Et ainsi, le Nabi Al-Sallam a prié pour la première fois de l'islam, la prière de la peur, c'était Salat al-Asr, ce jour-là. Donc, à Usfan et non pas à Dhat al-Riqa'. Et dans Dhat al-Riqa', cette bataille de laquelle on parle aujourd'hui, également ils ont prié la prière de la peur, parce que c'était légiféré juste avant. Donc il y avait les conditions pour la prier également ici dans la bataille de Najd, la bataille de Dhat al-Riqa'. Et ensuite l'imam Ibn Kathir, sinon avant, par rapport à la prière de la peur, et ce que les mécréants ont dit, ça c'est des choses qui ont été citées par Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit: وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. Dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jal, avant ce verset que je viens de lire, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Salat al-Khawf, comment elle doit être accomplie déjà. Et après, il y a plusieurs façons de la faire qui ont été rapportées authentiquement. Après, Allah Azza wa Jal dit, les mécréants, dans le sens approximatif, les mécréants aimeraient tant vous voir distrait au point d'en oublier vos armes et vos bagages. Ils vous tomberaient alors dessus d'un seul coup. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens, il ne vous sera pas fait grief si, gêné par la pluie ou souffrant, vous déposez vos armes, mais restez toujours vigilants. Allah a préparé aux mécréants un supplice humiliant. Un supplice humiliant. Donc, le kuffar attendait ce moment d'insouciance et de distraction des musulmans pour eux, dans lequel ils vont poser leurs armes, ils vont pas être en état de combattre et les attaquer à ce moment-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré par sa miséricorde et sa bienfaisance cette prière qui est la prière de l'khawf. La prière de l'khawf, et on prend de ça aussi, regardez, même dans le combat, les ennemis, guettent les musulmans, ils sont prêts, ils ont les armes, tout ça, même dans des situations comme ça, les musulmans prient en groupe. Et nous, malheureusement, des fois, on peut être chez nous, sous la clim, on a la voiture, elle est climatisée également, et on prie pas en groupe. Et l'un d'entre nous prie chez lui. Et ça, c'est pas autorisé pour l'homme. Pour l'homme, c'est une obligation pour lui de prier en groupe. Et regardez, même dans des conditions comme ça, les musulmans prient en groupe. Ils prient en groupe. Et c'est des hommes comme ça qu'Allah Azza wa Jal a élevé et à qui il a accordé la victoire. Des hommes pour lesquels salat a été, comme on décrit, ces kuffars. plus aimés pour eux que leurs biens et que leurs descendances. Et comme ça a été rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, était entre Dajnan et Usfan. Dajnan, c'est une montagne. C'est une montagne qui se trouve, entre laquelle et Mecca, il y a à peu près 25 miles, l'équivalent de 40 et quelques kilomètres. Le Nabi alayhi salam, il était entre cette montagne qui s'appelle Dajnan et Usfan. Usfan, comme on a vu, elle est à peu près à 80 kilomètres de Mecca. Donc il était entre les deux, le Nabi alayhi salam, et les mouchriquins les avaient assiégés, le prophète alayhi salam et son armée. Et les mouchriquins, pendant qu'ils les assiégeaient, c'est là où ils ont dit, comme il a dit Abu Hurayra radiallahu anhu, ils ont une prière qui est plus aimée à eux que leurs enfants et que leurs biens et que leurs femmes. Et ils ont dit, on attend qu'ils rentrent dans la salat et on les attaque d'un coup. Et Jibril alayhi salam est descendu, il a révélé au prophète alayhi salam la prière de la peur. Et le Nabi alayhi salam a partagé son armée en deux, et chaque moitié a prié avec lui une partie de sa salat, et ainsi ils ont tous prié avec le même imam une prière en groupe, tout en restant vigilants, tout en gardant leurs armes. Et sans aucune divergence entre les savants, la bataille de Usfan a eu lieu après le Khandaq. C'est pour ça que la vie juste, par rapport à cette bataille qu'on est en train d'étudier, qui est la bataille de Najd, ou de Dhat al-Riqa', dans laquelle les chaussons des compagnons ont été troués, radiallahu anhum, les chaussons, comme je vous ai expliqué, ça dépasse la cheville. Ce qui est en dessous de la cheville, ça s'appelle en arabe, an-na'l, les souliers. Et c'est ça qu'on porte dans l'état de sacralisation. L'état de sacralité, afwan. C'est ça qu'on porte dans l'état de sacralité, c'est na'l. Il n'est pas autorisé de porter al-khouf. Et na'l, il est en dessous de la cheville. Si tu veux savoir ce que c'est un na'l, c'est comme des sandales, des souliers qui se portent dans le pied et qui est en dessous de la cheville. Il n'arrive pas à la cheville. Ça s'appelle na'l. Et le khouf, ça dépasse largement la cheville. Et en général, il est fait en cuir. Donc, il est unanimement d'accord entre les savants que la bataille de Usfan a eu lieu après la bataille des tranchées. Et donc, la vie juste par rapport à la bataille de Dhat al-Riqa', c'est qu'elle a eu lieu après la bataille de Khaybar. Et ça, c'est la vie de l'imam al-Bukhari. Et c'est la vie de l'Hafidh ibn Hajar, comme il l'a mentionné dans le Fath. L'imam al-Bukhari l'a cité dans son authentique. Il a dit que la bataille de Dhat al-Riqa' a eu lieu après la bataille de Khaybar, car Abu Musa al-Ash'ari est arrivé à Médine après la bataille de Khaybar. Et là, l'imam al-Bukhari parle de Abu Musa al-Ash'ari, ce grand compagnon du Yémen, quand il est entré dans l'islam, à Mecca. Et après, il est reparti au Yémen. Et il a fait une grande da'wa au Yémen, à lui seul, cet homme. Et avant la bataille de Khaybar, il voulait venir fil Medina. Et il a ramené avec lui plus d'une cinquantaine de ceux qui l'ont suivi et qui ont accepté de lui l'islam. Sa mère et des membres de sa famille et des membres de sa tribu. Il a ramené avec lui plus de 50 personnes parmi ceux qui sont entrés dans l'islam. Il les a ramenés dans un bateau pour venir à Medina et rencontrer le Nabi alayhi salam. Mais subhanallah, leur bateau a dévié vers l'Éthiopie. Il a dévié vers l'Éthiopie. Et ils ont atterri en Éthiopie. Et là-bas, ils ont rencontré Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, ainsi que ses compagnons qui ont été encore en Éthiopie. Ils les ont rencontrés là-bas et ils sont sortis ensemble dans deux bateaux. Ils sont venus vers le Médina. Ils sont venus juste après la conquête de Khaybar. Khaybar est une ville qui était extrêmement riche. De cette bataille, les musulmans, c'est le début de l'ouverture de Dunya. La conquête de Khaybar, c'est le début de l'ouverture de Dunya pour les musulmans et la richesse. C'était une ville qui était très très riche. Et quand ils sont venus, ces deux groupes, que ce soit les compagnons de Abu Musa al-Ash'ari ou les compagnons de Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le frère de Ali, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, quand ils sont venus, le Nabi, alayhi salatu wassalam, leur a donné à tous, à chacun, il leur a donné une part comme ceux qui ont participé dans la conquête de Khaybar. Et donc tout ça a eu lieu après la bataille de Khaybar. Et Abu Musa al-Ash'ari a participé dans la bataille de Dhat al-Riqa'. Donc c'est pas possible que la bataille de Dhat al-Riqa' ait eu lieu, yani dans l'année 4. Elle a eu lieu après l'année 7 de l'Hégire. Elle a eu lieu après l'année 7 de l'Hégire. Également, Abu Huraira radiallahu anhu, il a participé dans cette bataille, et Abu Huraira, on sait qu'il est entré dans l'islam quelques jours avant la conquête de Khaybar. L'année 7 de l'Hégire. Abu Huraira, ce grand compagnon, ce grand rapporteur de hadith, il a passé que 3 ans avec le Nabi, alayhi salatu wassalam. Il a passé que 3 ans avec le Nabi, alayhi salatu wassalam. Mais c'était 3 ans, c'était l'acolyte du prophète, alayhi salatu wassalam. Il le lâchait jamais. Il a pris lui la science, il a sorti la raison, c'est que ses frères, parmi d'autres compagnons, avaient des commerces et avaient des biens sur lesquels il veillait. Et du travail. Et lui, c'était un homme très très pauvre de la tribu de Daous, du Yémen. Et il n'avait rien. Il était avec le Nabi alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu ce grand bien. Et il a tenu compagnie au prophète alayhi salam pendant ces 3 ans. Et c'est pas, quasiment pas possible de parler d'un sujet dans l'islam sans avoir un hadith rapporté de Abu Huraira. C'est le grand rapporteur de l'islam. 3 ans avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Pour savoir, mes frères, que l'islam, c'est pas avec l'ancienneté seulement. Certes, l'ancienneté, elle a c'est une valeur dans l'islam. Mais c'est pas le premier critère. Le premier critère, c'est tes efforts dans l'islam, dans l'apprentissage, dans la mise en pratique, dans la da'wa. C'est ça, ta valeur dans l'islam. Yani, quelle valeur a un musulman qui a 60 ans dans l'islam? Il s'est même pas prié comme le Nabi alayhi salatu wassalam a prié. Il connaît pas l'aqidah du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que cette ancienneté, elle va avoir de l'importance? Il peut être meilleur que lui, un homme qui est entré dans l'islam une seule journée. Et qui a connu sa religion avec science. Et on a vu que des compagnons n'ont jamais fait une seule sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont jamais prié. Il est entré dans l'islam une journée et martyr dans les degrés les plus élevés du paradis. Donc tout ça, c'est des dalils que cette bataille certainement a eu lieu après la bataille de Khaybar. Également parmi les dalils, c'est la participation de Abdullah ibn Umar dans la bataille de Dhat al-Riqa'. Et on se rappelle que Ibn Umar, radiyallahu anhu, a été refusé dans toutes les batailles. Et la première fois où il sera accepté, c'est dans la bataille des tranchées. Donc comment il a participé dans une bataille avant? Alors que la première fois où il a été accepté par Nabi alayhi salam, c'était dans la bataille de l'Khandaq, des coalisés des tranchées. Ça, c'est également un autre dalil. C'est pour ça, Ibn al-Qayyim a dit que la vie juste et l'unique avis juste, c'est que la bataille de Dhat al-Riqa' a eu lieu après la bataille de Khaybar. C'est également l'avis de, comme j'ai dit, de l'imam al-Bukhari. C'est également l'avis de l'Hafid ibn Hajar, parmi d'autres savants. Également, si on regarde la question d'un point de vue stratégique, comment Nabi alayhi salam, il va sortir de Medina, il va laisser le Medina, il va aller vers la région de Najd, qui est assez loin de Medina, comme on a vu, il va laisser le Medina sans protection, alors que après la bataille de Uhud, Et ça, normalement, si on dit qu'elle a eu lieu dans l'année 4 de l'Hégire, c'est juste quelques mois après la bataille de Uhud. Comment, Nabi alayhi salam, juste après la bataille de Uhud, où beaucoup de tribus arabes ont rompu leur pacte avec Nabi alayhi salam, quand ils ont vu ce que les musulmans ont suivi dans Uhud, comment il va sortir et laisser le Médina et partir à une région aussi loin que la région de Ratafan et rentrer dans un combat parmi les plus grands des combats contre une des plus grandes tribus arabes, la tribu de Ratafan. Donc même du point de vue stratégique, ça colle pas que cette bataille a eu lieu juste après Uhud. Donc ce qui est juste, pour sortir et finir avec ce point, c'est que cette bataille a eu lieu après la bataille de Khaybar. Mais les savants, quand ils la citent à cet endroit, ils la citent ici, tout en précisant que l'endroit dans lequel elle doit être citée, c'est après Khaybar. Ils la citent parce que beaucoup parmi ceux qui ont écrit dans la biographie ont cité cette bataille après Uhud. C'est uniquement pour cette raison. Et pour respecter cet ordre, que les premiers des savants qui ont écrit dans les batailles du prophète alayhi salam ont fait. Et parmi les histoires dans lesquelles il y a beaucoup de leçons à tirer qui ont eu lieu dans cette bataille de Dhat al-Riqa', donc, rappelez-vous que dans cette bataille, il n'y a pas eu de combat. Et les musulmans sont revenus sans combattre. Parmi les choses qui ont eu lieu dans cette bataille, la bataille de Najd, c'est l'histoire du chameau de Jabir radiallahu anhu. Et cette histoire, c'est que Jabir radiallahu anhu, dans cette bataille, le hadith il est rapporté dans l'authentique. Mais dans le hadith, Jabir radiallahu anhu n'a pas cité le nom de la bataille dans laquelle il y a eu cette histoire entre lui et le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam. Mais sinon, le hadith, avec tous ses détails, est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et dans l'authentique de l'imam muslim. Et c'est que sur le chemin de retour de la bataille de Dhat al-Riqa', le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a demandé à Jabir pourquoi il a tardé derrière lui. Jabir radiallahu anhu a dit à cause de mon chameau qui s'est beaucoup fatigué. Et le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a donné un petit coup au chameau et ensuite il a dit à Jabir de monter sur son chameau et le chameau est devenu rapide. Au point où Jabir radiallahu anhu, comme il dit, il était obligé de le retenir pour ne pas devancer le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam lui a posé des questions. Regardez comment il est, le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam. Jabir, c'est un jeune homme. Il lui a dit, est-ce que tu t'es marié? Il a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu t'es marié avec une femme vierge ou une femme déjà mariée? Il a dit, une femme déjà mariée. Et le Nabi alayhi salam lui a dit, pourquoi tu t'es pas marié avec une jeune fille, yani comme toi, t'es jeune. Pourquoi tu t'es marié avec une femme plus âgée que toi et qui a déjà été mariée avant toi? Pourquoi pas une jeune comme toi? Yani, c'est plus amusant pour toi dans ce sens-là. Radiallahu anhum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Et Jabir Ali radiallahu anhu a dit, cette histoire on l'a vue déjà. Il a justifié son choix par ses petites sœurs que son père lui a confiées après sa mort. Son père qui est tombé martyr dans la bataille de Uhud radiallahu anhu, Abdullah ibn Haram, le père de Jabir. Il lui a dit, parce que mon père m'a confié mes petites filles et j'ai voulu une femme plus âgée, yani que mes petites filles, et qui va s'occuper d'elle. Les coiffés, il a cité les coiffés et s'occuper d'elle. Et subhanallah, avec cette intention, Allah Azza wa Jalla lui a mis une baraka dans toute sa vie, avec cette bonne intention. Et ensuite, Nabi alayhi salam lui a dit, est-ce que tu t'acceptes de me vendre ton chameau? Jabir radiallahu anhu a dit oui. A dit oui, j'accepte. Et le Nabi alayhi sallam a racheté son chameau contre une ouqiyah d'or. Une ouqiyah, c'est à peu près 28 grammes. C'est une unité de mesure. À peu près 28 grammes. Donc il lui a acheté le chameau contre 28 grammes à peu près, ou la 30 grammes d'or. Une gramme d'or, c'est à peu près, à l'époque, c'est comme si tu as donné à quelqu'un 150 euros. Yani, ça c'est une estimation selon la valeur des choses à l'époque du prophète alayhi sallam et à notre époque. Et ça, comment on arrive à avoir ces estimations? C'est parce que l'or, sa valeur, elle change pas. C'est pour ça, ces ennemis d'Allah, ils ont changé les monnaies à base d'or et d'argent qui ont leur vraie valeur. Ils ont mis des billets qui n'ont aucune valeur. Comme ça, ils peuvent modifier la valeur de l'argent. C'est pour ça que tu trouves une monnaie élevée, une monnaie basse, et ainsi de suite. Par contre, l'or, la valeur, elle reste. Et même quand elle augmente, elle augmente en fonction du niveau de vie. Avec 5 grammes d'or, t'achetais un mouton. Une pièce d'un dinar qui représente à peu près 5 grammes d'or, tu pouvais acheter un mouton. C'est pour ça que j'ai dit 5 grammes, c'est à peu près 150 euros. Non, pas une seule gramme, c'est 5 grammes. 5 grammes, c'est à peu près 150 euros. C'est la valeur d'un mouton à peu près à notre époque. Donc, Nabi alayhi sallam lui a payé son chameau 6 fois le prix d'un mouton. Et si vous regardez à notre époque, vous trouvez que ce sont les mêmes rapports et les mêmes proportions à notre époque également. Yani, c'est à peu près, si tu prends les choses qui changent pas, qui ont des vraies valeurs, un mouton, un chameau, de l'or, de l'argent, et non pas les billets, tu vas trouver que le rapport de grandeur et le rapport de proportion, yani, c'est le même. Aujourd'hui, à peu près, yani, t'achètes un chameau pour le prix de 6 moutons, 7 moutons, 10 moutons, à peu près ça. Donc, le Nabi alayhi salam lui a acheté son chameau contre une ouqiyah. À peu près 28 grammes d'or. Et il lui a promis de lui donner l'argent une fois arrivé à Médine. Et quand ils sont arrivés à Médine, le Nabi alayhi salam a chargé Bilal de peser ce poids d'or pour le donner à Jabir radiallahu anhu. Et il lui a dit, d'augmenter un petit peu. Il a pesé, en augmentant un petit peu. Et quand Jabir était reparti, il a pris son argent, il a laissé le chameau, il est reparti. Après, le Nabi alayhi sallam l'a appelé, il lui a dit, prends ton chameau, je te l'ai offert. Donc, le Nabi alayhi sallam, subhanallah. Il lui a acheté son chameau et il lui a donné le montant du chameau et il lui a redonné son chameau par la suite également. Et subhanallah, vous voyez Nabi alayhi sallam comment il se comportait avec ses compagnons. Ils ont fait une transaction et après il lui a donné en cadeau son chameau. Et ça c'est pour ne pas toucher la fierté du croyant. La main qui donne est meilleure que la main qui prend. Donc ils ont fait un bay', une vente, et ensuite Nabi alayhi sallam lui a offert ce chameau. Et Jabir radiallahu anhu, il voulait pas que Nabi alayhi sallam lui redonne le chameau. Mais il l'a accepté. Quand Nabi alayhi sallam lui a dit de le prendre. Et il avait peur que ça se passait comme ça. Mais il a accepté, il a pris le chameau, radiallahu anhu. Et Jabir radiallahu anhu disait que cet or, cette quantité d'or que Nabi alayhi sallam lui a donné, il n'a cessé de voir sa baraka dans sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Et il faisait, à chaque fois il faisait quelque chose, il achetait quelque chose, il voyait que ça provenait de cet or que Nabi alayhi sallam lui a donné. Donc Allah lui a mis beaucoup de baraka dans cet or que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Et on voit que le Jabir radiallahu anhu, comme c'est rapporté dans d'autres versions du hadith, Jabir radiallahu anhu, au début, il voulait pas vendre le chameau au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il en avait besoin. Mais malgré ça, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui vendre son chameau, il a accepté. Il a fait passer la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la sienne. Également parmi les histoires qui ont eu lieu dans cette bataille de Uhud, dans cette bataille de Dhat al-Riqa, c'est l'histoire d'un mushrik l'histoire est rapportée par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, selon Jabir également. C'est que le Nabi alayhi salam, sur leur chemin de retour vers Al-Madina, de Dhat al-Riqa', yani vers le midi, il faisait très très chaud. Et ils voulaient faire une petite sieste, ils se sont arrêtés à un endroit dans lequel il y avait des arbres. Et le Nabi alayhi salam est allé se reposer sous l'ombre d'un arbre, et il a posé son épée, alayhi salatu wassalam. Et il a attaché son épée à cet arbre-là. Et pendant qu'ils dormaient, Nabi alayhi salam les a appelés à un moment. Ils sont venus, ils ont trouvé un bédouin qui était assis devant Nabi alayhi salam. Il était assis devant le prophète alayhi salam. Et ensuite Nabi alayhi salam leur a raconté son histoire. Il leur a dit, cet homme, pendant que je dormais, il est venu, il a volé mon épée pendant que je dormais. Et quand je me suis réveillé, je l'ai vu devant moi, il avait sorti l'épée et il l'a dressée contre moi. Et il m'a dit, qui te protégera de moi? Nabi alayhi salam lui a dit, Allah. Nabi alayhi salam lui a dit, Allah. Et cet homme n'a pas pu faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Et cet homme, il s'appelle Ghawrath ibn al-Harith. Ghawrath ibn al-Harith. Et Nabi alayhi salam ne l'a pas puni. Il n'est pas rapporté qu'il est entré dans l'islam. Mais Nabi alayhi salam ne l'a pas puni. Et il l'a libéré. Et il lui a demandé si jamais son peuple combattent le prophète alayhi salam et le muslimin, qui se joint pas à eux. Il est reparti dans sa tribu, il leur disait, jitukum min indi khayrin nas, comme l'a rapporté Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Il leur disait, je suis venu de chez le meilleur des gens. Yani, il voulait le prophète alayhi salatu wassalam. Également, parmi les histoires, yani ça, c'est une histoire qui montre le courage du prophète alayhi salam et sa certitude sur la promesse d'Allah. Il lui a dit, qui te protégera de moi? Il a dit, Allah. Dans certaines versions, l'épée est tombée. Et que le Nabi alayhi salam a pris l'épée, il lui a dit, maintenant, qui te protégera toi de moi? Il a dit, personne. Et le Nabi alayhi salam l'a libéré et ne l'a pas puni. Malgré ça, alayhi salam, on voit également son pardon. Avec son courage et sa bravoure et sa patience de ce qu'il pouvait subir des ignorants. Alayhi salatu wassalam. Également, la troisième histoire avec laquelle nous allons terminer bi'idhnillahi ta'ala, c'est l'histoire, quand également une autre histoire qui a eu lieu sur le chemin de retour. C'est qu'un homme, parmi les tribus que les musulmans sont sortis pour combattre, et qu'il est rapporté que cet homme, les musulmans, ont pris sa femme comme prisonnière de guerre. Ils l'ont attrapée, ils l'ont prise comme une prisonnière de guerre. Et son mari a fait un vœu de ne pas revenir dans sa tribu jusqu'à tuer un parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, il a suivi l'armée des muslimines jusqu'à la nuit où se sont arrêtés pour passer la nuit à un endroit. Nabi alayhi wa sallam a demandé aux compagnons qui montera la garde. Deux compagnons se sont proposés, Abbad ibn Bishr parmi les Médinois et Ammar ibn Yasir parmi les Mekwa, les Muhajirin, et parmi l'Ansar. Ils se sont proposés pour monter la garde. Et effectivement, Nabi alayhi wa sallam leur a dit de monter la garde loin de l'armée. Un périmètre plus loin de là où ils se reposent. Comme ça, si jamais il y a un ennemi qui veut attaquer les muslimines, qu'il le sache bien avant qu'il arrive en plein milieu de l'armée. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis à un endroit. Il leur a montré le Nabi alayhi wa sallam l'endroit dans lequel ils allaient monter la garde. Ils se sont mis dans cet endroit et Ammar ibn Yasir radiallahu anhu s'est couché. Il s'est reposé un petit peu et le Ansari montait la garde. Il était debout en train de prier alors que Ammar dormait. Et pendant qu'il priait radiallahu anhu, cet homme qui avait fait ce vœu de tuer un parmi les compagnons, quand il s'est approché de l'armée, il a vu que ces deux hommes montaient la garde. Il a su qu'ils étaient placés ici pour monter la garde. Il a pris une flèche, il a lancé Abbad ibn Bishr, radiallahu anhu, pendant sa salat. Et la flèche est arrivée dans son épaule, pendant qu'il priait. Et il a retiré la flèche, et il a continué sa salat. Et cet homme lui a envoyé par la suite trois flèches comme ça, toutes dans son corps, qu'il a retiré et qu'il a continué sa salat jusqu'à ce qu'il l'ait terminé. Et quand il a terminé, il a averti l'autre compagnon, Ammar ibn Yasir. Il lui a dit, il y a quelqu'un qui est venu, il a fait ça et ça. Il lui a dit, pourquoi tu m'as pas averti avant? Il lui a dit, j'étais en train de réciter une surah que j'ai pas voulu interrompre. J'étais en train de réciter une surah dans ma salat que j'ai pas voulu interrompre. Cette surah, c'est surah Al-Kahf, comme ceci a été rapporté par Al-Bayhaqi rahimahullah dans Dala'il. Donc il était en train de réciter surat Al-Kahf, il n'a pas voulu arrêter salat jusqu'à la finir entièrement. Et dans cette histoire, un dalil clair que le sang, la sortie du sang pendant la salat, de n'importe quelle partie du corps excepté les deux orifices, Al-Qubul wa Al-Dubur. Yani, en dehors de ces deux orifices, n'importe quel autre endroit duquel sort le sang pendant la salat, ça n'interrompt pas la salat et ça n'annule pas les ablutions non plus. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Et les savants, ils disent que ça, c'est l'avis juste. Après, est-ce que le sang est pur ou impur, il y a une divergence. La majorité des savants considèrent qu'il est impur en grande quantité. Et ils vont interpréter tous ces hadiths que c'est des petites quantités. Et des savants parmi les muhaqqiqin, tels que Ibn Taymiyyah et autres, ils disent que le sang de l'être humain est pur, qu'il soit en grande quantité ou petite quantité. Et ils ont beaucoup de dalils sur cela. Wallahu a'lam. Donc, voilà pour cette troisième histoire qui a été citée ici. Et on prend de ce qu'on a vu, les efforts qui ont été fournis par les compagnons radiallahu anhum, et tous ces hommes qui sont tombés martyrs dans tous ces combats qu'on a vus pour l'instant, et toutes ces expéditions qu'on a vues, jusqu'à présent, on voit tous les sacrifices des compagnons radiallahu anhum et du prophète alayhi salatu wa salam à leur tête pour propager l'islam et propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, on va s'arrêter ici, bidnillah, et nous poursuivrons demain